Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Parce que la vie se réinvente à tout moment, le centre socio-culturel de Nazelles a accueilli le 30 septembre dernier la journée « Ma retraite, j'en profite ». Un après-midi imaginé par les caisses de retraite et organisé par l'ACEPT Centre-Val de Loire, la CCVA et leurs partenaires. L'objectif, parler du bien vieillir autrement, à travers des rencontres, des animations et un spectacle empreint d'humour. En effet, dès le début de l'après-midi, le ton était donné avec la représentation de Une nouvelle saison, présentée par la compagnie Vol de Nuit. Nous avons pu échanger avec sa directrice Cathy Lamy, qui nous a parlé de cette création musicale où quatre jeunes retraités dans un décor de café associatif explorent les mille visages d'une retraite épanouie entre rire, chansons et petits bonheurs du quotidien. On écoute Cathy. Bonjour Cathy et bravo. Bonjour, bah, merci beaucoup. Merci. Une bien belle prestation qui a en tout cas enjoué le public, qui a beaucoup participé d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous présenter la compagnie Vol de Nuit et justement l'univers artistique que vous proposez? Oui, alors bon, la compagnie Vol de Nuit, donc, c'est une compagnie professionnelle. Nous, on est, bon, par exemple pour moi, je suis comédienne depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 61. Donc vous voyez, on a roulé nos bosses avec d'autres compagnies. Puis un jour, j'ai voulu monter cette compagnie parce que je voulais chanter aussi en plus. J'avais cette corde à mon arc en plus. Donc, j'ai monté cette compagnie avec aussi un musicien, celui qui a fait les compositions de ce spectacle. Il n'était pas là. L'absent du jour. Ben, c'est-à-dire qu'il ne nous suit pas. Il fait sa commande d'écriture, de composition musicale sur les chansons. Et puis ensuite, il s'en va. Et de temps en temps, il revient nous voir un peu quand même. Voilà. Donc, c'est une compagnie de théâtre musical. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les compagnies qui font aussi du chant sur scène, en direct. Donc, et alors après, donc, on est sur ce réseau de théâtre social un peu, ou de théâtre, moi j'appelle ça le théâtre social, parce qu'on répond à des commandes d'écriture. Voilà. Là par exemple, c'est l'ACEPT qui vous a contacté en disant on aimerait parler de la retraite, de bien vivre sa retraite, parce qu'évidemment le spectacle il est bourré de plein de petites anecdotes, de conseils, y a beaucoup de choses qui sont glissées dans ce spectacle. Et donc, ils vous passent commande. Et après, vous, vous faites votre cuisine. Alors, c'est ça, effectivement. Ils savent, ils nous ont vus déjà. On avait improvisé sur un colloque sur Alzheimer, il y a quelques années déjà, il y a une dizaine d'années. Et voilà, les actions sociales ont dit, oh là là, mais c'est trop bien. Ça donne une bulle d'oxygène, d'humour aussi, qui est vraiment important. Est-ce que vous pourriez répondre à une commande d'écriture? On vous donne un cahier des charges et vous faites un spectacle là-dessus. Ils ne nous disent pas quelle forme doit prendre le spectacle. Ils nous donnent peut-être un temps donné. Et puis voilà, bah, nous, on aime chanter donc, sur ce spectacle. On a voulu intégrer des chansons parce qu'on pense aussi que dans les textes des chansons, on peut faire passer des messages plus subtils, plus ludiques, parfois ben, qui ne sont pas forcément écoutés de manière frontale, mais qui passent quand même dans nos cerveaux. Et en musique, voilà, c'est pas mal aussi. Et puis bon, c'est un vrai spectacle au sens où voilà, y a quand même aussi toute l'infrastructure de lumière et de son. On est en autonomie totale sur... Il y a de la vidéo. Et puis même au travers des vidéos, il y a des petits messages. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est la retraite, pas l'arthrite, par exemple. Sur les petits panneaux de manifestation, il y a des choses vraiment super. Mais oui, on essaye de mettre de l'humour. C'est aussi dans la commande de mettre aussi beaucoup d'humour. Ils ne veulent pas qu'on alourdisse un peu le sujet, et ce que je comprends, parce que bon, ce n'est pas une maladie, ça c'est quand même un spectacle sur le bien vieillir, donc sur le départ à la retraite. Alors bon, un départ à la retraite, normalement, ça ne fait pas trop peur, mais on sait que c'est difficile. Hein. Enfin, même nous, les comédiens, chez nous, il y en a qui sont déjà à la retraite et ce n'est pas très facile. Même si on continue à travailler, enfin, je veux dire, il n'y a pas que qu'est-ce qu'on va faire, on vieillit aussi. Et donc, les prochaines années, ce n'est pas les années de jeunesse. Donc, on sait qu'on va avoir des petits soucis par-ci, par-là. Et donc, chacun anticipe ça à sa manière. Et c'est, voilà. Donc, il faut effectivement, on est là, le théâtre, pour plutôt que donner des messages, on est là pour transcender un peu les mauvaises choses et puis donner de l'air, quoi, donner des solutions en fait, par l'humour, par la façon dont on est avec les autres, les liens sociaux, etc. Quoi. Important, le lien social. Là. Ouais. Voilà. Alors juste avant de vous attraper là dans la salle, vous étiez en train d'échanger justement avec des personnes qui ont pu assister au spectacle. C'est quoi le retour qu'elles vous font? Ah ben alors, ces dames étaient vraiment intéressantes. Enfin, elles sont tous intéressantes, mais elles avaient une critique de dire, ben, nous on est venus parce qu'on a reçu une pub de notre caisse de retraite. On n'était pas vraiment convaincus d'avance comme ça. Et puis bon, on s'est dit, oh, ça a l'air quand même pas mal. Mais on se dit au début du spectacle, oh là là, ils vont nous donner des messages, là, ça va être chiant, quoi, ça va être moralisateur. Ça va être un peu donneur de leçons. C'est ça, et donc, ben, on n'a pas besoin de ça, hein. C'est pas parce qu'on a 70 ans que, voilà, on n'est pas des bébés, quoi. Hein, donc on a eu une vie avant, hein, donc on a des choses à dire encore. Hein. C'est ça qui est dur au passage à la retraite, c'est qu'on n'a plus de rôle, donc il faut s'en trouver un, et un qui soit utile, donc utile aux autres, à soi-même, voilà. Donc ces dames étaient ravies d'avoir des sujets en fait, comme la nourriture, le lien social, l'habitat, le sexe aussi, voilà, la nourriture, comment on fait avec tout ça de manière joyeuse. Oui, la sédentarité. Voilà, et surtout, c'était pour elle subtil, voilà. C'était délivré de manière subtile, c'était pas un truc de publicité où on vous dit, ben, justement, c'est moralisateur, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, Non, voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez que ces personnes retiennent ? Il y en a plein des messages. Ouais. Alors, moi, en plus, alors là, politiquement, en ce moment, c'est tellement l'horreur, je me dis que, oui, on parle toujours de sécurité. Le mot sécurité, alors... Mais ouais, et surtout, il finit par tuer la vie, quoi. Il n'y a plus de vie. Et donc, pour moi, c'est vraiment le message important, c'est de continuer à rencontrer du monde. Et alors dans les EHPAD, ben, si on n'est pas lavé tous les jours, ben, c'est pas grave, parce qu'on est sorti dehors dans la nature, et ça, c'est génial. Et puis, dans la vie de tous les jours, ben oui, c'est pas fermer son jardin parce qu'on est vieux et qu'on a peur de se faire cambrioler. OK, oui, bon, d'accord, c'est vrai, il faut peut-être faire attention. Mais après, on ne voit plus personne. Et qu'est-ce qu'on veut ? Ça rend heureux, ça ? Moi, pour moi, non. Enfin, c'est très personnel, hein. Mais je pense que si moi, j'ai un message à faire passer, c'est celui-là. Je ne veux pas être barricadée à plus voir personne quand je serai vieille. Très bien, c'est un beau message, Cathy. Comment on fait pour suivre la compagnie Vol de Nuit et vos prochaines dates ? Eh bien, la compagnie Vol de Nuit, elle est sur un site qui est Compagnie Vol de Nuit. Voilà, tout attaché, .jimdo.com. Voilà, je vais vous donner la petite carte, comme ça vous pourrez l'avoir en plus. Et mais oui, transmettre aux auditeurs. Voilà, il y a tout le calendrier, il y a tous les spectacles qu'on fait, puisqu'on en fait d'autres aussi, sur les aidants familiaux, par exemple. Voilà, et là vous avez toutes les infos, il y a même quelques vidéos, bandes-annonces, donc, qui nous donnent une idée des spectacles. D'accord. Voilà. Et super. Ouais, et on tourne à peu près dans toute la France, donc... On peut nous voir partout, hein, quasiment. Là, on tourne beaucoup, surtout entre septembre et décembre. Puis après, c'est un peu plus sporadique jusqu'au mois de juin. Mais voilà, moi, jusqu'en Normandie, dans le sud, voilà. Ouais. Oui, on est bien contents. Ouais. En tout cas, vous semez des sourires et c'est très chouette. Hein. Alors là, c'est un très beau compliment, ça. Super. Merci beaucoup, Cathy, et encore bravo. Merci infiniment. Merci beaucoup. Après ce moment de théâtre vivant, les participants ont pu profiter d'un forum d'information sur les ressources du territoire, les loisirs, l'activité physique, avec la présence notamment de l'ACAGIM, représentée par son président Gérard Simoni, mais aussi la culture, l'éducation à la santé, le numérique. Autant de pistes pour rester actif et bien dans son âge. Parmi ses nombreux partenaires, nous avons rencontré Éric Duplan, conseiller de secteur pour l'association Présence Verte, qui présentait les dispositifs de téléassistance permettant de favoriser le maintien à domicile. On écoute. Je suis Éric Duplan, je suis conseiller de secteur à Présence Verte, donc j'interviens principalement au domicile de nos abonnés ou pour les installer ou pour faire la maintenance ou les dépannages. Enfin. En gros, Présence Verte, c'est quoi ? Vous intervenez sur quoi ? Alors, Présence Verte, c'est un service de téléassistance. Donc, qu'est-ce que c'est que la téléassistance ? En fait, on intervient au domicile de nos abonnés et on leur installe un système qui leur permet d'être sécurisés à leur domicile. Pour ce faire, on installe un transmetteur qui est relié sur la ligne téléphonique. Ils sont équipés, sinon, d'un émetteur qu'ils portent sur eux et qu'ils activent en cas de besoin, en cas de chute notamment. Ils sont donc reliés à une centrale d'écoute qui veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui les recontacte pour prendre de leurs nouvelles, et en fonction de leur réponse, ou de leur absence de réponse d'ailleurs, on contacte pour eux un réseau de solidarité, c'est-à-dire des personnes qu'ils ont eux-mêmes choisies, des personnes de confiance, qui ont les clés. Alors c'est la famille souvent, mais aussi bien le voisinage, des auxiliaires de vie, bref, tout un réseau de personnes de confiance et qui vont pouvoir leur porter l'assistance dont ils ont besoin. Donc ça c'est pour la téléassistance à proprement dite, on va dire, pour les personnes qui sont un peu plus sédentaires. On a aussi un système pour les personnes qui sont un petit peu plus mobiles, un système de transmetteur aussi, mais qui a un système de géolocalisation et qui permet à ces personnes qui peuvent faire des randonnées ou qui s'éloignent un petit peu plus de chez elles de pouvoir être reliées également 24 heures sur 24 et d'être en toute sécurité plus loin de leur domicile. Et donc, ils seront secourus plus loin. Voilà, c'est un système qui est développé depuis maintenant plusieurs années également, mais qui est un petit peu moins connu. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect téléassistance. Et il y a d'autres activités parallèles, d'autres actions sur lesquelles vous vous positionnez ? De la prévention, par exemple, ou votre présence ici au Forum ? Oui, nous, c'est vrai qu'à Présence Verte, donc Présence Verte est une association, donc on ne fait pas de publicité, on ne démarche pas les gens, et Présence Verte, ça fait presque maintenant 40 ans que ça existe, et la grande majorité, si ce n'est la totalité des personnes qui viennent nous voir, c'est parce que c'est le bouche-oreille, c'est la recommandation, aussi bien par les prescripteurs ou par notre présence à des manifestations telles que celle-ci, donc des salons qui sont organisés par... En l'occurrence, là, par la CEP, mais aussi par des collectivités territoriales. Voilà, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Donc, on peut mener évidemment dans des salons des actions de prévention aussi. Notre activité de téléassistance, ce n'est pas uniquement on installe un transmetteur chez une personne qui en a besoin, c'est aussi toute la sécurité qui va avec. On assure la maintenance de nos matériels, on dépanne et on a tout un service qui recueille toutes les alarmes techniques que l'on peut avoir qui ressortent de nos transmetteurs et qui nous permettent de détecter certaines coupures d'électricité chez nos abonnés. Et donc, pour ça, on les appelle et bien souvent, on se rend compte qu'il y a des anomalies chez eux avant qu'eux-mêmes s'en soient rendus compte. Il faut vraiment que la personne qui va recevoir cette téléassistance soit d'accord. Oui, dans tous les cas, c'est la personne elle-même qui signe son contrat de toute façon. Donc, même si dans la grande majorité des cas, Présence Verte est recommandée souvent par la famille, par les enfants, par l'entourage... Ça rassure, évidemment, c'est une vraie sécurité, mais de toute manière, on a besoin du consentement express et écrit de la personne. Voilà, ça c'est indispensable. C'est rare ici, mais une personne qui a été... ses enfants sont là parce que ce sont eux qui ont recommandé Présence Verte. Si la personne vraiment est trop rétive et qui dit non, moi j'en veux pas, on n'insiste pas parce qu'on ne peut pas faire contre le consentement de la personne. C'est vraiment la personne qui est au cœur de notre action. Voilà, on ne va pas la forcer. Et puisqu'on parle d'inquiétude, en règle générale, c'est quoi les plus grosses inquiétudes des personnes âgées qui se munissent justement de la Présence Verte ? Elles ont peur de quoi ? De chuter toute seule chez elles ? C'est quoi qui revient le plus souvent ? Oui, la chute, principalement. Je dirais que, j'ai pas de statistiques très précises, mais souvent, en fait, les personnes s'équipent de Présence Verte parce qu'elles sont déjà tombées, en fait. Alors, évidemment... On intervient en prévention, si j'ose dire, avant que les personnes chutent, parce qu'elles ont déjà conscience du danger, et de se dire « Ah bah oui, mais si jamais je tombe, comment je fais ?» Mais aussi, beaucoup, parce qu'elles sont déjà tombées, elles ont pu rester parfois plusieurs heures par terre, et on sait toutes les conséquences de gravité d'une chute, avec l'hypothermie, tout ce que ça peut engendrer comme conséquence pour la personne elle-même. Et donc souvent, c'est ça, c'est la peur de tomber. Et ça les rassure. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois, des personnes qui disent « Ah, ben maintenant, je vais être rassuré, je vais pouvoir retourner dans mon jardin parce que j'osais plus y aller. » Alors, si des auditeurs nous écoutent et se disent « C'est la solution qu'il me faut », comment ils font pour contacter Présence Verte et comment ça se passe ? Il y a des démarches ? Oui, alors déjà, il faut savoir que Présence Verte s'adresse à tout le monde, même si Présence Verte a été créée au départ par les mutualités sociales agricoles. Ça s'adresse à tout type de personnes. Il suffit juste donc de manifester la volonté de le vouloir. Donc Présence Verte Touraine, on couvre les départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Il y a une agence à Blois, une agence à Tours, il suffit de nous contacter. Donc les numéros de téléphone de l'agence de Tours, donc 02 47 31 61 96. On a aussi une adresse mail, pv37@présenceverte.fr. C'est pv41@présenceverte.fr pour l'agence de Blois. Et le numéro de téléphone de Blois, c'est le 02 54 44 87 26. Voilà, donc il y a une équipe qui est dédiée, il y a des vraies personnes qui vous répondent au téléphone, que ce soit bien à la centrale d'écoute qui veille 24 heures sur 24, ce ne sont pas des robots, ce sont évidemment des personnes. Sur Tours ou sur Blois, on a aussi des personnes très aimables qui vont pouvoir prendre tout le temps nécessaire pour vous donner leurs renseignements et pour vous fixer un rendez-vous. Et alors Eric, est-ce que ça nous coûte cher tout ça, de mettre ça en place ? Ça coûte cher. Je serais tenté de vous répondre non spontanément. Présence Verte, la prestation elle-même, le service de base, si j'ose dire, c'est 24,90 € par mois. Donc c'est un tarif qui n'a pas bougé depuis plusieurs années, 7 ans je crois, donc on est toujours au même tarif. Après, il y a les options qui peuvent s'ajouter. Il n'y en a pas... Alors, il y a une option détection de chute, c'est 5 euros de plus par mois, donc on arrive à 29,90 €, éventuellement un détecteur de fumée. Mais je dirais que pour 30 euros maximum... C'est la sécurité qui est en jeu. Les personnes sont couvertes pour ce tarif-là, tout en sachant qu'à ce tarif-là, nous sommes agréés service à la personne. 50% de réduction ou de crédit d'impôt en fonction de la situation fiscale de nos abonnés. Ouais. En tout début d'année, on envoie un justificatif fiscal à tous nos abonnés avec le montant dont ils se sont acquittés après Sanzert et donc qui peuvent réduire sur leur avis d'imposition. Et puis il y a d'autres aides, le conseil départemental via l'APA qui peut aider, les caisses de retraite qui peuvent financer également. Et puis sur Présence Verte Touraine, on a passé un grand nombre de partenariats avec ou des communes ou des CIAS qui participent en fonction de ce qu'ils ont choisi comme option et qui peuvent participer sur les frais d'installation ou sur les frais tout court. Et on a un certain nombre de mairies aussi qui aident à la rédaction des contrats. Donc tout ça, c'est une action qui a été menée de longue haleine, tout ça en partenariat donc avec les collectivités territoriales. On a bien fait de l'évoquer parce que je ne suis pas sûre que tout le monde imagine que c'est aussi accessible financièrement, cette présence verte. Alors après, évidemment, on prend bien en compte l'aspect option. Voilà, plus on en prend, plus le tarif est élevé et ça se justifie tout à fait. Mais pour une protection de base, on reste quand même sur quelque chose de très accessible. Oui, 24,90 €, effectivement, ça reste accessible à un grand nombre de personnes. Et par rapport à l'enjeu que ça représente, oui. Oui, certainement, bien sûr. Oui, oui, c'est vrai que ça permet un maintien à domicile en sécurité. Bien sûr, ça ne couvre pas tout, mais pour cette somme relativement modique, sans compter les aides qui peuvent en plus se greffer. On a à cœur cette politique aussi de tarifs doux. Et ça tient aussi à notre statut associatif. Et donc, on n'est pas là pour faire des sous, entre guillemets, mais d'apporter au plus grand nombre. Bien sûr, mais je pense que c'était bien de pouvoir le préciser et d'aborder justement les tarifs. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Donc, on rappelle aux auditeurs que s'ils veulent tout type de renseignements, bah, finalement, ils tapent présence verte sur le moteur de recherche. Et puis, en fonction du territoire qui les intéresse, plutôt Blois, plutôt Tours, ils vont trouver toutes les coordonnées adéquates. Absolument, et ils trouveront sur place un accueil téléphonique chaleureux qui pourrait les orienter au mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à vous. Non loin de là, Damien Baron, responsable du service d'accompagnement aux particuliers de Solia, était venu parler adaptation du logement et solutions concrètes pour un quotidien plus sûr et confortable. On l'écoute également. Bonjour, je suis Damien Baron et je travaille dans l'association Solia et je suis le responsable du service qui accompagne les particuliers dans l'amélioration de leur logement. Alors, vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Il y a un diagnostic, vous vous déplacez au logement, c'est à la demande des personnes, c'est sur prescription peut-être de partenaires sociaux? Non, c'est toujours à la demande des personnes au départ. C'est toujours les personnes qui nous sollicitent parce qu'ils ont bien souvent un projet en tête d'amélioration de leur habitation. Ça peut être sur des travaux d'isolation, des travaux liés au confort thermique. Ça peut être des travaux aussi liés à l'adaptation du logement pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Ou des travaux plus ambitieux de rénovation complète d'habitats qui seraient dans un état de dégradation avancée. Donc notre rôle, c'est de conseiller les propriétaires sur leurs projets et les aider, les orienter vers les travaux les plus efficaces, les plus pertinents, et aller chercher des financements pour financer ces travaux-là. Nous, on s'adresse prioritairement à un public à revenus modestes. Donc là, on est sur le forum qui traite plutôt de la retraite ou du vieillissement, mais ça peut aussi s'adapter à des personnes en situation de mobilité réduite, par exemple? Oui, tout à fait. Oui. Aussi, les personnes en situation de handicap, on peut aussi étudier avec eux un projet d'adaptation ou d'accessibilité de leur logement. Ouais. Et alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient dans cette situation, est-ce qu'il y a des possibilités d'aide, par exemple, pour aménager son logement quand il est plus adapté? Oui, il y a une aide alors qui existe au niveau national, qui est distribuée par l'Agence nationale de l'habitat, qui s'appelle MaPrimeAdapt. Donc nous, on est l'un des organismes qui pouvons aller solliciter la MaPrimeAdapt pour le compte des particuliers. Et au préalable, on aura réalisé un entretien, une visite à domicile, un diagnostic pour conseiller la personne sur les travaux les plus pertinents à faire chez elle, en fonction de l'état existant de la maison, des contraintes techniques potentielles qu'il peut y avoir et de ses moyens financiers, puisque le but, c'est d'orienter la personne vers le projet qu'il est capable de financer et qui sera le plus efficace possible, quoi, et le plus adapté possible pour son maintien à domicile. Donc finalement, adapter son logement, c'est possible, on peut être accompagné, on peut être soutenu et on peut trouver des aides. Donc finalement, il faut le faire. Oui, il faut le faire et de manière anticipée, c'est encore mieux puisque si on s'engage dans ces démarches-là, ça peut prendre un peu de temps. Ça vaut le coup à la fin, mais ça vaut le coup d'y réfléchir, d'anticiper et de passer à l'acte pour améliorer son quotidien. Ouais. Donc pour ça, on contacte Solia, Solidaire pour l'Habitat. Comment est-ce qu'on contacte ? Nos bureaux sont au 241 rue Édouard Vaillant à Tours. D'accord. Et notre téléphone, c'est le 02 47 36 25 50. Très bien, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Voilà donc pour le récap de cette journée Ma Retraite, J'en Profite, organisée en partenariat par la CARSAT, la MSA, l'Action Sociale AgirQue ARCO, la commune de Nazelles-Négron, la communauté de communes du Val d'Amboise et soutenue par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie d'Indre-et-Loire. C'est la fin de ce mag, rendez-vous demain, même heure et même fréquence, pour un nouveau numéro. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.